Que tu es en pleine forme en ce lundi 12 avril. Je suis Lia et je suis en direct avec toi durant une heure dans cette émission L'odeur du son. Mais je t'entends me susurrer à l'oreille. Que va-t-il se passer durant cette émission, Lia? Eh bien, très bonne question, auditeur. Je vais te jouer mes disques chouchous, te divulguer quelques actus locales, mais surtout l'essentiel. Je suis très, très heureuse d'accueillir mon invité, l'artiste de talent, Antoine Hézier. J'étais vraiment très excitée à l'idée de préparer cette émission. C'est un vrai honneur pour moi de t'accueillir. Bonjour Antoine, comment tu vas? Et bonjour Léa, moi ça va très très bien. Eh ben c'est super. Merci pour cette invitation à la radio Gamozo. Ah ben merci à toi d'avoir accepté. En plus tu m'as ramené le soleil, là je suis ravie. Ça avec plaisir. Alors artiste de talent mais aussi artiste reconnu, tu viens de remporter le prix international David Michelangelo et tu as été finaliste au Global Art Awards de la Global Art Agency de Shanghai entre autres tout de même. Félicitations. Merci beaucoup. Alors plantons un petit peu le décor pour nos auditeurs qui nous écoutent mais ne nous voient pas. D'ailleurs, je t'invite auditeur à la fin de cette émission à te rendre sur le site d'Antoine, antoinezier.com si tu veux découvrir son travail et voir si ce que tu regardes est en adéquation avec ce que tu vas entendre maintenant. Car trêve de bavardage pour moi, oui Antoine, tu vas quand même devoir un peu parler. Je te donne la grande mission, si tu l'acceptes, de nous faire plonger dans ton univers. Dans quel univers artistique évolues-tu, ou plutôt à quel univers as-tu donné vie? Eh ben, depuis quelques années, j'évolue dans un univers complètement onirique, tiré de mes rêves justement. Et je crée des histoires avec un fil rouge, avec toujours un petit personnage qui s'y cache dedans, qu'il faut retrouver. Il voyage d'histoire en histoire et a pour but de rencontrer la lune, de retrouver la lune. D'accord, c'est super féerique en fait quand tu le dis comme ça. C'est un peu l'histoire tirée de mes rêves justement. Souvent les nuits je rêve d'un dessin comme ça et puis je retranscris par la suite sur papier. Incroyable, on va en parler durant toute cette émission. Alors ton travail est d'une précision et d'un esprit du détail complètement fou. Je suis pas une grande spécialiste, mais j'ai cru reconnaître par moments, bien sûr, du pointillisme, mais j'ai aussi lu du miniaturisme. Miniaturisme. Miniaturisme, ok, il manquait le A. Comment toi tu le définis, ton style ? Vraiment les détails, enfin, c'est vrai que c'est un mélange de pointillisme, d'impressionnisme, de surréalisme. Et après, on n'a pas trouvé encore de mouvement à ce style de dessin. Il y en a plusieurs qui m'ont dit justement, on va essayer d'en créer un. Par exemple, au Grand Palais, il y en a un qui me disait, on va appeler ça du miniaturisme. Voilà. Donc, d'où ce nom maintenant. D'accord, ok. Mais c'est vrai que tu as un univers complètement à part, un style de dessin, voilà, tu es un précurseur. Principalement tes œuvres réalisées à l'encre noire, si je ne m'abuse, qui donnent un effet, en tout cas en photo, d'une version un peu crayon de papier sur feuille blanche. Hein? C'est bien ça. C'est vraiment très très beau. C'est l'effet que tu veux donner un peu, cet effet crayon de papier? Eh ben, justement, pour en revenir à ça, j'ai toujours dessiné. Oui. Et puis quand j'étais petit, je détestais la peinture, je détestais vraiment peindre. Je trouvais ça pas du tout précis. Et puis, je sais pas, je m'énervais un peu sur mes tableaux, j'aimais pas. J'arrivais pas à faire des petits bateaux, des trucs comme ça, quoi. Oui. Assez détaillés. Puis, j'aimais beaucoup le dessin sur papier, au crayon et tout. Donc, au début, j'ai commencé à dessiner au crayon, sur papier. Oui. Puis après, j'ai un peu évolué pour faire justement à l'encre. ou même à l'aquarelle et tout. Puis j'ai commencé à dompter un peu mieux la peinture et puis à apprécier un peu plus. D'accord. Alors tu invites le public lors de la présentation de ton travail, justement comme au Grand Palais de Paris, où étaient présentées deux de tes œuvres l'an passé, je crois, lors d'une exposition d'artistes indépendants, à regarder tes tableaux avec une loupe, tellement les détails sont incroyables. Alors pourquoi avec une loupe? Est-ce qu'il y avait certains détails cachés? Il y a toujours des détails cachés. Génial. Tous les détails, ils sont pas anodins, justement. Il y a toujours des petits clins d'œil à d'autres tableaux. Il faut vraiment regarder. Sous chaque feuille, il y a une âme, on va dire. Oui, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai lu. Est-ce que tout de suite, tu as pensé à cette idée? Tiens, je vais créer un tableau et les gens vont devoir regarder à la loupe d'un peu plus près. Ou est-ce que voilà, ça t'est venu en exposant? J'ai toujours eu cette idée d'histoire avec le fil rouge depuis très très longtemps. Puis je me suis dit, au fur et à mesure que je dessinais, j'ai commencé à rajouter de plus en plus de détails, de plus en plus de choses cachées. Et puis maintenant, c'est complètement mon style. C'est un petit peu Où est Charlie version Antoinesi. C'est ça. Il y en a beaucoup qui me disent ça, oui. C'est vrai. Alors, c'était super interactif en plus pour le public, j'imagine, de scruter un peu tes œuvres à la loupe. Ils ont vraiment dû adorer, les gens, parce que voilà, tu n'es pas juste là devant une toile, un tableau à regarder. Il faut vraiment que tu cherches un petit peu. C'est génial. C'était mon objectif. Je ne voulais pas que les personnes regardent de loin. Oh, super sympa et tout. Je voulais qu'ils se rapprochent et qu'ils se projettent dans l'histoire, qu'ils rentrent dans l'histoire, justement, eux, et qui se mettent à la place du petit homme dans l'histoire. Ah, on va en parler. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ces deux tableaux que tu avais exposés, alors One Last Trip et Sea of Habitation? Alors, pour que ceux qui ne seraient pas bilingues comme moi, je te traduis, Un Dernier Voyage et Mer d'Habitation, qu'est-ce que ça racontait, ces deux tableaux-là? Et pourquoi tu les as choisis pour cette exposition? Alors, j'ai choisi les deux-là. Déjà, c'était un contraste entre la nature et la ville. Je voulais faire justement une petite transition. Et puis, dans Sea of Habitation, la mer d'habitation, c'est le petit personnage qui veut s'échapper de toute cette habitation, de tout ce raz-de-marée, justement, et pour retrouver la nature, justement. Et l'histoire d'après, c'est la nature, où il est sur le dos de son cerf. Son cerf, il laisse une trace blanche derrière, c'est-à-dire il efface la nature. On va dire que c'est la fin de l'histoire, comme D'accord. le nom du titre. Ouais. Comme le nom de l'illustration, pardon. Et puis justement, il se dirige vers la montagne, vers la nature complète, en fait. Ok, super. Alors, une vraie histoire derrière tes œuvres, hein, on le comprend bien là. Tu expliques donc qu'il y a un petit personnage qui voyage à travers tes illustrations, mais qui est-il, ce personnage? Le personnage, c'est le vous, c'est le moi, c'est celui qui regarde l'histoire. Oh, c'est génial. Et depuis quand il voyage avec toi? Depuis quand il existe dans ton esprit? Oh, depuis toujours. Tu dirais depuis enfant? Depuis enfant, ouais, c'est le petit personnage qui est en nous, et puis qui a envie de voyager, qui a envie de retrouver la nature. Ah, c'est l'enfant intérieur. C'est ça. Ok. Alors, concrètement, ça c'est la vraie question, est-ce que dans ta tête c'est aussi minutieux que dans tes œuvres? Oui, c'est un peu le bazar. On peut dire ça comme ça. T'arrives à faire le tri, ça va? Ça va. Le dessin, ça t'aide justement à... Parce que voilà, tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup de travail à créer, j'imagine. On en reparlera tout au long de cette émission. Ça doit prendre beaucoup de place dans une tête, tout ce qu'il y a sur tes dessins. Est-ce que ça t'aide? Ah bah, le dessin pour moi c'est avant tout une passion, c'est aussi un exutoire, une sorte de méditation. Justement, quand je dessine, j'ai l'impression de voyager, j'ai l'impression de rêver, j'ai l'impression, quand je suis en colère ça m'apaise, quand je suis content ça m'apaise aussi, enfin. Ah oui. Non, le dessin c'est important pour moi. C'est la vraie thérapie, quoi. C'est ça. Super. Alors, je peux te laisser encore réfléchir à cette question sur toi-même, si tu veux. Il est venu le moment où je te sors, eh bien, mes premiers disques chouchous avec ce titre, Zero Gravity du groupe Ezekiel. Est-ce que tu connais? Pas du tout, non. Une ambiance très très strange, je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé à toi, très psychédélique, place à l'imagination avec ce titre, mais tout de suite, In My Mind de Walners avec une petite touche de handpan. Tu connais ça? Non plus. C'est un instrument de musique rond et il tape dessus à certains endroits, ça fait des notes différentes. Pour un instant poétique, le clip est d'ailleurs fabuleux avec des danses contemporaines, entre autres. Antoine, auditeur, à tout de suite. À tout de suite. Blind. We'll be living in a place we like. Et voilà pour ce titre incroyable que tu ne connaissais pas. Est-ce que ça t'a plu ? C'était très sympa, oui. C'est strange hein, quand même. Hein. Un petit peu. Ça plonge dans une atmosphère. Ambiance particulière sur Radio Guémozo aujourd'hui. On plonge dans le monde d'Antoine Hézier qui est mon invité aujourd'hui. Merci beaucoup. J'en profite pour faire un petit bisou à Léliana qui nous écoute, alias Nana. Voilà, bisous à tous les auditeurs. Et puis, si vous avez une petite question à poser, eh bien, c'est avec grand plaisir voilà, qu'on vous prendra au téléphone. Ça se passe ici, 03 29 62 40 40. Si vous avez un petit mot à dire à notre invité, pourquoi pas. C'est le moment de la petite info locale de la mairie de Remiremont qui vous invite à l'exposition Nature sur toute la ligne, installée au marché couvert Les Halles volontaires de Remiremont, visible dans l'espace animation du marché aux horaires d'ouverture. Et cette exposition de 21 panneaux est issue d'un partenariat avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges. On y découvre les richesses naturelles et paysagères du parc, comme les hautes chaumes, forêts, collines sèches, étangs. Est-ce que ça t'inspire ce genre de décor naturel, Antoine ? Ah, complètement, oui. Ouais. Puis là, c'est la saison, c'est le printemps qui commence à arriver. Ouais, carrément. Tu dessines beaucoup de mélanges de nature et d'architecture avec ce sens incroyable du détail que tu as. Comme dans ton tableau, alors je vais très mal le prononcer, ne t'empêche pas d'éclater de rire, ça me fait plaisir. The Submerged City. Hein? Submerged. Merci. C'était pas loin. Il est incroyable ce tableau. C'était un des derniers que j'ai fait. Ouais. Puis j'ai voulu casser un petit peu en faisant une découpe à l'intérieur. D'accord. Justement, enfin, on peut voir ceux qui regardent. Il y a une petite découpe dans l'œuf, justement, au fond. Oui. Puis ça fait un petit effet d'ombre avec la lumière qu'on met, justement, quand on éclaire le tableau. D'accord. Ok, parce qu'il y a un jeu de lumière aussi qui se fait quand on regarde tes tableaux. Bien sûr. Ah. Waouh, ça doit être incroyable de faire ce genre de tableau avec tout ce que ça implique, en fait, les détails, les jeux de lumière, c'est incroyable. Est-ce que tu dessines parfois des architectures, des structures qui existent vraiment, enfin, je veux dire, à part dans ta tête qui existent réellement, je ne crois pas en avoir déjà fait, non. Je m'inspire parfois justement des coupoles ou autres, ou des architectures qui existent, mais vraiment, c'est vraiment quelque peu de la forme, enfin le style, gothique, roman ou autre, mais sinon, non, j'ai jamais repris d'architecture existante. Il me semble que t'aimes beaucoup l'époque médiévale. Beaucoup. Est-ce que ça aussi, ça t'inspire parfois ? Ah bah complètement, ouais, oui. Ouais. Faut quand même que je me base là-dessus pour construire le médiéval, sinon ouais, ça ressemble à rien. Mais comment, sans imiter quelque chose qui existe, tu arrives à créer des structures, des architectures pareilles ? Je veux dire, est-ce que tu t'as étudié ce... J'ai fait une école d'art graphisme, ouais, où j'ai étudié un petit peu la perspective, les trucs comme ça. Mais sinon, après, c'est moi qui fais moi-même, quoi. Je regarde, j'observe, puis je retranscris sur papier. Ok. Tu fais déjà des croquis avant de te lancer dans la réalisation ultime ? C'est vraiment des tout petits croquis, c'est vraiment une petite esquisse au crayon pour avoir une idée quand même, pour les traits, les trucs comme ça, la perspective quand il y en a. Mais sinon, en général, je me lance comme ça. Par exemple, le dessin à One Last Trip, j'ai fait sans croquis. J'ai commencé le feuillage, ensuite j'ai fait tout ce qui est herbe et tout autour, et puis après j'ai fait la montagne, et puis voilà. Ça, c'est mon préféré, celui-là, on en parlera juste après. Donc du coup, on est d'accord, toutes tes réalisations ne sont faites que de points ? De traits, de points. Ouais. De traits, de points. Waouh. Et tu te trompes jamais ? Ah bah si, il m'arrive justement de mettre un point où il est mal mis, et puis je me dis « Ah, ça va se voir !» Puis finalement, ça se voit pas. C'est que moi qui vois les petits détails comme ça. Okay. Jamais un moment tu gommes ou tu dis « Non, là, il faudra que je... » Oh, le stylo noir, non, je peux pas gommer. Ah, donc oui. Ça se rattrape toujours, de toute façon. Il y a une petite erreur, ça se rattrape toujours. On se dit « On va rajouter ça, on va enlever ça. » Directement à l'encre noire, tu dessines ? C'est ça. Ok, il faut une grosse confiance là. Mais c'est toujours une base à l'encre noire, et puis après que je comble sur de l'aquarelle, sur différents types, du feutre, la peinture. Ok, d'accord. Tu as déjà une idée de la perspective que tu vas donner directement dans ton tableau, parce que ça ne doit pas être facile en fait de voir le tableau que tu es en train de faire en fait. Ah mais j'ai déjà tout le tableau en tête en fait. D'accord. Et est-ce que tu arrives vraiment au résultat que tu as en tête à chaque fois ? Ça change toujours un petit peu, mais oui, ça se rapproche très certainement. Avec un esprit du détail comme ça, c'est facile d'être satisfait de son travail, ou on a toujours un petit moment où on se dit bon, peut mieux faire ? Oui, puis après, c'est pas évident de se dire est-ce que c'est terminé là ou est-ce qu'il faut que je remette deux, trois petits détails. Donc, il y a un moment, enfin, le plus dur, c'est de se dire stop. On lâche prise, quoi. C'est ça. En plus, c'est sur des petits formats ? C'est du format. J'ai commencé sur un petit carnet, justement, format A5. Et après, les premières expositions, tout le monde me disait c'est pas évident, ce serait bien que tu t'agrandisses un petit peu. Et puis maintenant, je dessine beaucoup sur format A4, 21 x 29,7. Et je me suis agrandi un petit peu, j'ai fait du A3 et puis j'ai fait du très très grand, c'est-à-dire 4 A3. Ah oui. Et ça m'a pris un an et demi pour le finir celui-là. Ah oui, d'accord. Mais je ne l'ai pas encore mis en ligne. Et est-ce qu'on peut le voir ? Il est exposé quelque part ? Chez moi pour l'instant. Chez toi pour l'instant. Bon, on va dans pas. Un très gros tableau. On va pas débouler. Ok. J'espère qu'un jour tu pourras l'exposer. Mais j'aimerais bien aussi pouvoir le scanner, mais il faut que je trouve ce qu'il faut pour scanner des gros formats comme ça. Ah oui, oui. Ça doit pas être évident. Ok. On parle d'inspiration et sur ton site est très joliment écrit un texte. Merci. Que tu as écrit qui débute par mon inspiration et mon univers, ce ne sont que les fragments des rêves que je fais chaque nuit. C'est magnifique, j'ai trouvé ça d'une sublime poésie. Mais alors du coup, de quoi rêves-tu ? De tout, des voyages, de voler dans la nature, un peu de tout, découvrir des endroits. Tu rêves toutes les nuits ? Ouais, je me souviens quasiment de tous mes rêves. Et puis il y a beaucoup de rêves que je fais qui sont récurrents. Il y a des rêves que, que j'ai fait il y a 5 ans et puis qui sont encore récurrents maintenant. C'est parce que t'as pas encore fait le tableau. C'est ça, et puis j'ai pas fait la suite aussi. Enfin, il y a des rêves où je fais la suite sur certains autres rêves. Quoi. D'accord. Du coup, tes tableaux, c'est une suite. C'est un peu la suite d'une histoire. C'est ça. Est-ce que c'est ça depuis le début ? Est-ce qu'à un moment, t'as créé autre chose qui avait un autre rapport qu'avec cette histoire ? Comme je disais, j'ai commencé sur un petit carnet, puis le petit carnet c'était pour raconter une histoire justement, et après moi, ça continue là-dessus. À la base en fait j'ai fait mes études et puis je voulais faire du cinéma d'animation. D'accord. Et après je ne me voyais pas finir ma vie derrière un ordinateur et puis faire du dessin sur ordinateur, ça je ne me voyais pas. Donc j'ai commencé à créer mon histoire, celle que j'avais une idée en tête depuis beaucoup beaucoup d'années, et je l'ai fait sur papier. Depuis quand tu as commencé à dessiner de cette façon, pas le premier dessin, mais vraiment, depuis quand as-tu commencé à dessiner ces illustrations qui parlent de ce personnage ? C'est depuis la Belgique, depuis que j'ai fait mes études en Belgique. Ça remonte à 2015, 2016, oui. D'accord. Quelques années c'est déjà ça, 5, 6 ans. Que ce petit personnage a pris vie à travers tes tableaux, en tout cas, parce qu'il vit depuis longtemps. Alors, on peut aussi retrouver un petit peu une ode à la lune. J'ai envie de dire, tu aimes beaucoup le ciel, et la lune et le ciel étoilé. Comme voilà, ce dessin-là, ce tableau que tu as sur ton t-shirt, c'est un de mes préférés. On voit bien cette place de la lune. Pourquoi c'est important comme ça pour toi ? Pour moi, ça rappelle déjà aussi le côté onirique. Et puis après, c'est vraiment le but de l'histoire. L'histoire, c'est les hommes qui ont volé la lune à la déesse de la nuit. Mm-hmm. Et le petit personnage va tout faire pour la retrouver, la lune. Puis la redonner justement à la déesse. D'accord. C'est un livre que j'écris depuis aussi plusieurs années et puis qui commence enfin à avoir la fin. Ah d'accord, donc tu es en train d'écrire un livre. C'est ça. J'allais justement te demander pourquoi tu n'écris pas un livre. Ok. Le livre, il est justement illustré. Sur une page, il y aura l'illustration et sur l'autre page, il y aura le texte. Génial. Et sur chaque page, il y aura ça et puis ça raconte à chaque fois l'histoire. Super. Tu viendras nous en reparler quand il sera sorti. Avec plaisir. Merci beaucoup. Le magazine d'art italien Objects Mag a écrit ceci. Te concernant, pour Aizier, le dessin est le lieu où se croisent différents mondes, entre deux, entre conscient et inconscient, entre rêve et réalité, intérieur visible et invisible, c'est le lieu physique de la surréalité et merveilleux. C'est très bien dit et je crois que ça te correspond très très bien. C'est très beau, j'étais très content quand j'ai vu l'article. C'est vrai, c'est vrai. Ça doit faire plaisir d'avoir une reconnaissance comme celle-ci avec les différents prix que tu as remportés. Complètement, je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Au début, moi je dessinais pour moi, pour me faire du bien, pour me détendre quoi. Puis j'ai commencé mes premières expositions, c'était au Brame des Arts, à Armiremont. Puis le public, ça leur a beaucoup plu et tout. Puis moi, ça m'a motivé justement à me montrer un peu plus et faire plus d'expositions. Donc j'ai continué dans les Vosges. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'exposer la première fois à Paris. Oui. Et à Paris, j'ai fait des rencontres, des personnes qui m'ont invité à exposer au Grand Palais, et puis ça s'est, voilà. Ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné. Et les contacts sont restés? Il y a des choses qui sont en cours avec... Il y a des contacts qui sont restés, bien sûr, et puis je connais pas mal d'artistes, là, parce qu'à chaque fois que je vais faire des expositions, je parle un peu à tout le monde, je suis le petit jeune oui. des expos. On rappelle que le monsieur n'a que 26 ans et a un talent incroyable. Combien t'as de vie avant? Je sais pas si j'étais un chat ou pas. Pas besoin d'être un chat, je crois. Pour comprendre un petit peu, eh bien, ton histoire, justement, flashback dans ton expérience, à quel moment as-tu rencontré le monde du dessin? Le monde du dessin, je l'ai vraiment rencontré quand j'ai commencé les expositions, quand j'ai commencé à rencontrer les artistes. Ouais. Parce qu'au début, on peut regarder des magazines, on peut voir des émissions ou autres, mais on voit vraiment les choses quand on est sur place, en fait. Ouais. Et qu'on parle, qu'on voit, qu'on rencontre des artistes qui ont de l'expérience aussi. C'est un beau message, ça, parce que du coup, voilà, parents, amenez vos enfants dans les expositions, très rencontrez important, les gens. Voilà, il faut pouvoir voir de ses propres yeux, peut-être toucher les textures, si on peut le faire. Et voilà, quand un artiste nous raconte sa façon de faire et son univers, c'est quand même incroyable, ça nous transporte. Et toi, du coup, ça t'a aidé. C'est quel artiste qui te faisait rêver quand t'étais plus jeune? Moi, j'ai toujours aimé Van Gogh, toujours avec les volutes et tout. Ça se ressent dans mes dessins ouais. aussi. Des spirales et tout, des volutes. Et puis j'aime beaucoup aussi Odilon Redon. D'accord. Il faisait pas mal de dessins en noir et blanc, donc j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Puis après, non, c'est tout. Et côté littérature, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te plaît? Ah, je crois que c'est une évidence, mais il y a Le Petit Prince. C'est vrai. Après, film d'animation, il y a les Miyazaki aussi, côté oui. Toujours le rêve du Miyazaki. Puis c'est beau ce qu'il fait, ouais. C'est très très beau. Très imaginatif. C'est ça. Et c'est incroyable parce que quand on regarde tes dessins, il y a tellement de détails à rencontrer, mais il y a une grande place aussi à l'imagination pour celui qui est en train de regarder. En fait, tu n'imposes pas forcément le détail, ça laisse quand même le champ ouvert à beaucoup de choses. Pour bien sûr, c'est très figuratif, mais c'est aussi abstrait, entre guillemets, parce que les gens, il y a certains, ils me disent « Ah, moi, je vois ça sur ce tableau », et il y en a, ils disent « Ah, moi, je vois complètement une autre chose, un truc différent ». Puis même dans les feuillages et tout, on peut encore voir des formes, des trucs comme ça. Et dans la végétation, tu te rapportes à des choses, à une vie existante, ou alors c'est pareil, ça sort un petit peu de tes rêves, tout ça? Ça sort pareil de mes rêves aussi, puis habitant dans les Vosges, on est entouré de la nature de partout, donc oui, c'est inspirant aussi. Tu te mets parfois dans la montagne pour dessiner? Ça m'arrive de dessiner un petit peu dehors, mais c'est pas évident parce ouais. qu'il me faut une lampe. D'accord, ah oui. Pour voir de très près. Une loupe, une frontale? Oh non, quand même pas. Peut-être plus tard, quand j'aurai la vue qui baisse. Oh non, on ne te le souhaite pas. Quel parcours, quel cursus, tu en as parlé un petit peu brièvement, t'as amené jusqu'ici du coup? Donc j'ai fait une école d'art graphisme à Algrange, où c'était du dessin sur ordinateur, les flyers à la base, des trucs comme ça, quoi. Puis après, on a quand même beaucoup appris sur les feutres, les techniques, sur aussi l'écriture. Et puis ensuite, je me suis dirigé sur une école d'animation 2D-3D en Belgique, Namur. Et ensuite, j'ai arrêté l'école parce que ça ne me plaisait pas du tout. Et puis, je suis retourné en France pour faire un service civique au Musée de l'Image à Épinal. Génial. Donc, toujours un petit peu dans le même thème. Ouais. Et après, je me suis tourné autre chose, mais c'était de l'animation pour les enfants et les adultes. D'accord, ok. Et après, ce que je mets justement dans ce travail, c'était aussi redonner, dessiner devant les enfants et tout. Ça, ils adoraient. Quoi. Carrément, carrément. T'as toujours su qu'un jour, tu serais artiste? C'est vrai que petit au collège, je me disais, je vais essayer d'être là-dedans, enfin, de continuer un maximum, quoi. C'est vraiment ma passion. Et puis après, je savais exactement où j'allais, enfin, niveau animation et tout. Et ouais. Le premier dessin que tu as fait enfant, c'était quoi? Il me semble que c'était un bateau. Un bateau. Ouais. À quel âge? Ça, pour l'âge, je sais plus du tout. Est-ce qu'il y avait déjà des points? Non, je crois pas. Est-ce qu'il y a eu une évolution justement dans ton style et dans tes techniques par rapport au tout début? Au tout début, il n'y avait pas autant de points. Et puis, plus j'évolue, plus on voit de détails, plus on voit de vraiment. Il y a une plus grosse recherche oui. derrière, on va dire. Comment t'expliques ça en fait? À un moment donné, tu te sois tourné vers ce style-là? Est-ce que ça s'est fait de façon... Ça s'est fait comme ça. C'est incroyable. Tu avais beaucoup regardé d'œuvres de pointillisme, etc. Pas du tout, non, pas spécialement. C'est juste, j'ai toujours dessiné, et puis ce style est venu comme ça, quoi. Bon, t'es un ovni, quoi, on peut le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, t'arrives de mélanger certains styles et techniques différentes à travers tes illustrations ? Bien sûr, comme je disais, y a toujours une base quand même à l'encre oui. noire. Et après que je complète avec de l'aquarelle, de la peinture, autre, enfin, toutes sortes, du feutre, pardon. Oui, oui. Par rapport à tes envies, ton inspiration du moment ? C'est ça, c'est exactement ça. Je me fais avec un petit peu de collage où je recolle des dessins dessus et tout. Ah oui, d'accord. Pour faire du volume aussi dans le dessin. Ok. J'essaye plusieurs choses. Le tatouage aussi, j'ai essayé vraiment plein de styles. Le tatouage. Ok, super. La linogravure aussi. Ouais. C'est du lino qu'on grave et puis qu'on mette de l'encre dessus pour faire des espèces de pochoirs en fait. Ah oui, je vois. Comme avec le bois. Ouais. Non, vraiment, il faut essayer tout, en fait, et puis c'est là qu'on se découvre son style à soi. Ouais, bah, ça tombe bien que tu donnes quelques conseils comme ça. Qu'est-ce que tu dirais aux enfants, aux jeunes adultes qui ont vraiment envie un jour de devenir artiste, d'en faire leur métier ? Dessiner tous les jours, c'est comme tout, en fait. Si on veut évoluer quelque part, il faut le faire tous les jours. Donc dessiner 10 minutes à 2 heures par jour, ça, c'est pas mal. Ah oui. Moi personnellement, je dessine 2 à 3 heures par jour, ouais. Tous les soirs. Je préfère dessiner le soir. Ouais. Et après, trouver son style, justement, essayer toutes les techniques possibles. Faire de la peinture, faire de la peinture avec les mains, avec des pinceaux, avec les pieds, vraiment avec tout, essayer toutes les techniques possibles. Carrément. La sculpture, enfin c'est vraiment vaste l'art en fait. Oui. Puis aussi regarder peut-être des tutos, ceux qui ont du mal à commencer. Et puis regarder aussi ce que font les autres artistes, parce que c'est important. Oui. Pas faire la même chose et puis peut-être s'inspirer au début sur certains artistes et puis après décliner, avoir son style à soi. Ouais, c'est chouette. Le pointillisme, t'as appris à le faire ? T'as pris des cours de dessin ? Est-ce que t'as pris des cours de dessin, tout simplement ? Quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais des cours de dessin au Val-d'Ajol. Mm-hmm. Après, j'ai toujours aimé l'art au collège ou même justement le lycée d'art que j'ai fait. Donc c'était des sortes de cours de dessin. Ok. Mais sinon, après, je me suis développé tout seul, quoi. Ok, pas de façon ardue, quoi. Non, pas du tout. Pas de bourrage de crâne. Après, je pense que si je veux m'améliorer dans les portraits, les trucs comme ça, oui, il faut que j'en fasse. Ouais. Okay. Parce que je suis pas non plus top dans les portraits, mais je suis plus mon style de dessin nature et tout. Oui, oui. Après, chacun son style. Heureusement qu'on peut pas tous les avoir, heureusement, hein, parce qu'autrement, voilà. Mais un portrait en pointillisme, ça doit être génial. Ça doit être génial, mais ouais. C'est pas mon truc. Mais c'est vrai qu'on te laisse ton univers. Hein. C'est vraiment nous, on a envie de regarder ce que toi tu fais. Ne change rien, surtout, c'est juste magnifique. Il me semble que tu avais collaboré à une fresque collective il y a quelques temps. C'est ça. Est-ce que c'était facile de mêler son monde à celui des autres ? Ah bah, je suis pas du tout graphe à la base. Tout, enfin, une bombe dans les mains, pour moi, c'est un ovni, justement. Mais bon, c'était une nouvelle technique, et puis j'ai bien aimé, justement. Ok. Ça t'arrive, dans certaines expos, de rencontrer d'autres artistes, d'échanger avec eux, voilà, de voir un autre point de vue, peut-être toujours, éclairant. Toujours. C'est génial. Je vais pas une expo pour me mettre à côté de mes tableaux, oui. Et puis attendre les gens. Non, je vais rencontrer les autres artistes. J'imagine que le public doit être hyper surpris et te poser beaucoup de questions, non ? C'est vrai qu'en général, ils ne voient pas ce style, donc oui, ils posent des questions. Puis parfois, ils viennent comme ça, ils regardent les tableaux, puis je viens vers eux, je fais « Vous avez trouvé le petit personnage ?» Et ils y retournent, et ils le cherchent. Et après, il y a une grosse queue de 3 km. C'est ça. Chacun son tour. Alors, on le voit sur tes illustrations, beaucoup de donc, noir et gris, noir et blanc. Tu l'as dit un petit peu, les couleurs, ça vient de temps en temps. Est-ce que c'est, tu dirais que quand tu es de bonne humeur, tu mets de la couleur ? Alors là, pas du tout. Non. C'est un dessin, si je veux qu'il y ait de la couleur dessus, je vais être inspiré, j'en mets dessus. Puis après, en soi, le noir et blanc, c'est de la couleur aussi. C'est vrai. On arrive à avoir plusieurs teintes, noir, gris et tout. C'est vrai. Alors, la grande question, encore une, maintenant, combien de temps, si c'est possible de le quantifier, passes-tu à créer un tableau ? Alors, comme par exemple un de mes préférés, donc celui que tu portes aujourd'hui, alors j'avais pas le titre, alors j'ai essayé de le décrire, un cerf traversant un bout de nature avec un quart de lune naissant sur la pointe d'une montagne vraiment splendide, tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure, je vous invite vraiment, auditeurs, à aller sur ta page Facebook où on voit beaucoup de choses et sur ton site internet. Combien de temps ça prend pour faire ce genre de dessin ? Celui-ci, je l'ai fait sur 2 mois, puis c'était à peu près une centaine d'heures, 120 heures, à peu près. Okay. Tu t'infliges, je voulais dire, mais bon, c'est un petit peu négatif. Est-ce que tu t'imposes en tout cas un rythme de création? Tu disais tu dessines tant de temps par jour. Pour moi, c'est important quand même d'avoir sa routine, de dessiner toujours 2-3 heures par jour. Mm-hmm. Puis en plus, je commence à avoir plusieurs commandes, donc je suis obligé de dessiner un peu plus maintenant. D'accord. Et puis après, comme je dis, ça fait vraiment du bien, quoi. C'est vraiment la fin de la journée, et puis on relâche tout. C'est un petit peu le rituel, donc la fin de la journée. Est-ce que tu en as d'autres, des rituels, de la musique, une ambiance particulière, un endroit précis? Déjà, écouter la musique quand je dessine, et puis après, pas spécialement. Ok, d'accord. Avec la frontale, et c'est déjà bien. C'est le moment de sortir ma pile de disques spécialement préparée pour aujourd'hui et de te laisser boire un coup quand même. J'ai décidé de rendre hommage à l'artiste DMX très récemment disparu et de te faire écouter son titre Get At Me Dog, mais juste avant Pablo Nouvelle en feat avec Angélique Kidjo pour le titre Milambi. C'est le moment évasion de l'esprit sur Radio Gemozo. À tout de suite. Some bullshit that's got me jacking niggas flipping. Let my man in it. Stay pretty, but I'ma stay shitty. Ready, it's all for the money. Is you with me? Get the bitches, now I commit the crime. When it's on me, transform like Optimus Prime. Out from the head, roll out, let's make it happen. If we ain't gon' get it with them, we'll take it cap. Bustin' off, dustin' off, it's softest nigga. It's money with the biggest mouth, yo, let's off this nigga. Come on, this nigga, he never made a sound. Breathe too fucking hard and he getting bust down. Yeah, niggas wanna be killers. Get at me, dog. Yeah, niggas wanna kill us. Get at me, dog. Yeah, niggas want the ring. Get at me, dog. Yeah, yeah, niggas wanna be killers. Get at me, dog. Yeah, niggas wanna kill us. Get at me, dog. Yeah, niggas want the ring. Get at me, dog. Now it is. Look at too good for certain niggas. Some hurting niggas. What you doing? Robbing niggas, jerking niggas, sticking niggas, cause they deserve it. When money got murdered, they know he died slow, cause they hurt it. The nigga ain't blew up the spot in a while, and the motherfucker ain't got shot in a while. No. Just takes a light up, the fuck the night up. Blow everything in sight up. Fuck around and I had no ass right up. When you mentioned some shit, you wasn't able to stand. Like I said, that I'm disabled a man with a wave in a hand. The days are longer and it seems like I'm facing time. I've got a lot of dreams, but I'm not really chasing mine. I soak it all up like a sitting fly. Nowadays, getting by. More than occasional feeling getting hot. I live to die, that's where I'm headed. Let your man hold something. Now it's all about you can get it. Yeah, niggas wanna be killers. Get at me, dog. Yeah, niggas wanna fill us. Get at me, dog. Yeah, niggas want the break. Get at me, dog. When in the back, let your faggot ass face down. Lucky that you breathing, but you dead from the waist down. Fuck is on your mind, talking that shit that you be talking. And I bet you wish you never got hit, cause you be walking. But shit happens and fuck it, none did your dirt. Niggas just wondering how the fuck you hit your skirt. Right under their eyes, that's a surprise to the guy. And when it ain't man, was a bitch in disguise. Fucking with cats and all the more hits and slaughter more kids. Let me holler at you, y'all in Baltimore. Yeah, you know what I mean? I'm just robbing to eat. And there's at least 1,000 lovers like me mobbing the street. When we starve and we eat, whatever's there. Come on, you know the cold in the street, whatever's fair. Blood stains and chalk means your man couldn't walk after the talk about him knocking on 11-33 in New York. Transforming their fingers, don't get it quick. Yo, for real, that nigga can't can suck my dick. It's gonna take all these niggas in the rap game to barely move me. Cause when I blow shit up, I have niggas falling like white bitches in a scary movie. You know I don't know how to act. Get too close to niggas, it's like protected by Viper. Stand back. What's that? I thought you niggas was killing. Demented. Fuck you on me, do it just coward. Finish. Ascend it. C'était bien ce petit son à l'ancienne là. C'est quoi que t'écoutes comme style de musique? Un peu de tout aussi, hein. C'est vrai? Du reggae, du rap, du rock. Ouf, alors ça va. Pas de souci. Ouf, j'espère que tu passes un bon moment avec nous, Antoine, un bon moment avec nous. Oui, un très bon moment. Ah ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Petite info encore locale du coin. Alors je sais pas pourquoi ces infos, elles sont exactement dans ton thème. On a parlé d'une exposition juste avant maintenant. Eh bien, c'est dans le cadre du festival Mixture qui est organisé par la ville de Gérardmer. Qu'un atelier d'écriture arborescence nous mènera le long des branches d'une généalogie fictive et nous permettra de visiter petites et grandes histoires. Pour les raisons sanitaires que vous connaissez tous, et bien c'est en distanciel que se déroulera le samedi 24 avril de 17h à 19h cet atelier. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire auprès de la ludothèque au 03 29 27 12 22 pour vous inscrire et bien à ce festival d'écriture. Les personnes inscrites recevront un lien de connexion la veille de l'atelier. En parlant d'écriture, il me semble, du coup, pour saisir ma propre perche, que tu participes à l'ouvrage, du coup, consacré, on en parlait en off tout à l'heure, au lieu chez Narcisse. C'est bien ça. Côté illustration, du coup, j'imagine. Oui, oui. Alors, dis-nous en plus. Donc, Victor m'a contacté et puis je vais créer deux illustrations. Une illustration d'art avec chez Narcisse, avec plein de petites affiches et tout, en clin d'œil à tous les groupes qui sont passés. Et une autre illustration plus historique, avec des petites illustrations plus sympathiques, qui montrent les 130 ans de chez Narcisse, en fait. Super. Donc une commande, entre guillemets. C'est bien ça. Est-ce que c'est un exercice facile pour toi de répondre à des commandes? Parce que du coup, ça te fait un petit peu sortir de ta zone? En général, les gens ils me proposent un thème, ils me disent par exemple le cosmos, le château ou n'importe quoi, et sur ce thème, je pars où ils me donnent carte blanche. Ça t'arrive de pas répondre favorablement, du coup, quand tu vois que c'est trop éloigné ou... Ah, si on me demande un portrait, je dirais il y a des autres artistes qui sont plus talentueux pour ce genre de choses. Je peux te donner une adresse. C'est ça. Mais en général, les gens, ils viennent pour une illustration. Enfin, ils savent pourquoi ils viennent. Parce qu'ils connaissent, déjà ton travail. Alors, ta participation, elle est finalement pas très étonnante quand on sait que tu viens un petit peu du Val d'Ajol. Est-ce que c'est là-bas que tu as grandi ? C'est là-bas que j'ai grandi. Ok, d'accord. Ça t'a inspiré là-bas, le Val d'Ajol ? Parce qu'il y a un point de vue magnifique quand même, quand on monte. Complètement. Ah ouais, c'est incroyable. Avec, on est entouré de la nature, de toute façon, les montagnes et tout. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu viens d'une famille d'artistes ? Ah, pas du tout, je crois que je suis le seul à dessiner dans ma famille. Alors ça, ça m'a toujours subjugué, les gens qui sont de très bons musiciens, de très bons artistes, dessinateurs, etc. Et ils me disent non. Ok, ils doivent être très surpris, enfin ils ont dû être très surpris quand ils ont découvert ton talent. Bah, ils ont toujours vu que je dessinais, après ils m'encouragent là-dessus et puis ils sont très contents de ce que je fais et à chaque fois Est-ce qu'ils viennent... ils me félicitent. Bah ouais, carrément. Ils viennent à toutes tes expos quand c'est possible ? Quand c'est possible, ils viennent, mais après là ça commence à devenir un peu plus dur, enfin plus compliqué quand c'est à Paris, quand c'est en Italie ou autre. Après, ma mère elle est déjà venue une fois avec moi à Paris au Salon National des Beaux-Arts pour voir une grosse expo comme ça. Ouais, génial. Elle était très contente. Ah bah carrément, c'est quoi l'endroit le plus étonnant, le plus mémorable pour toi ? Pour moi, ça restera le Grand Palais de Paris. C'est vraiment... Déjà, quand on voit l'architecture extérieure et qu'on rentre dedans, on se dit « Ah ouais !» C'est quelque chose, vraiment. J'avais jamais vu le Grand Palais avant. Et me dire que j'exposais en plus dedans, j'étais en mode « Waouh, subjugué !» Ouais, carrément. Comment ça s'est fait un petit peu, cette rencontre pour exposer là-bas ? C'était une exposition Art Shopping au Carrousel du Louvre où j'ai rencontré une personne qui m'a une espèce de mécène quoi qui m'a dit écoute je fais partie des artistes indépendants parce qu'il y a quatre catégories en fait, les indépendants, les artistes français, les comparaisons. Et le dernier, je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Et puis il m'a dit, je t'invite aux indépendants, et puis tu auras une petite place pour mettre deux tableaux, et puis voilà. Waouh. C'est comme ça que... Ça doit être fou. Moi, j'étais super content. Ouais. Du coup, ça t'a permis en plus de découvrir des lieux que tu n'avais jamais vus, mais que tu connaissais quand même. Peut-être que tu avais toujours eu envie de voir. Je pense, parce que c'est vraiment une architecture. On se dit, enfin, je me mettais à la place de mon personnage dans mes histoires. En fait, je me disais, je suis tout petit, puis l'architecture autour est géante. Ah oui, carrément. Est-ce que ça t'a donné envie de créer un nouveau lieu, cette architecture-là du Grand Palais ? Ça viendra peut-être par la suite. Et ce prix de Shanghai, alors, raconte-nous, finaliste. Eh bien, ça, c'était un concours en ligne à la base. Où je me suis dit, ben, dû au Covid, on va plus s'inscrire en ligne et tout, on va faire des trucs en ligne pour moi, quand même pour continuer là-dedans. Bah oui. Et puis, en fait, c'est une image, on met 25 euros pour mettre une illustration, enfin pour mettre une peinture, n'importe quoi. Puis après, c'est un jury qui vote là-dessus et puis qui sélectionne. Génial! Et puis normalement, ben, sans Covid, c'était directement sur place à Dubaï où ils faisaient la remise des prix. Donc ça aurait été génial de voyager jusqu'à là-bas. Oh, quelle frustration, c'est pas vrai. J'espère qu'ils vont vous refaire venir quand même. Hein. C'est ça, je sais pas. Peut-être cette année si je suis sélectionné. Ah bah carrément, carrément. Et puis se dire que internationalement on est reconnu justement sur son art, c'est incroyable. Quoi. C'est incroyable, ouais. Et le prix Michelangelo, il est magnifique en plus, t'as reçu un petit trou. Très belle statuette avec un petit socle en marbre et tout, c'était super sympa. Super, t'as voyagé un petit peu du coup pour exposer ? J'ai fait des expos justement, enfin une expo en Italie, c'était à Florence, donc j'ai exposé dans une petite galerie à Florence. Je devais exposer aussi au Luxembourg, mais ça a été annulé, je devais exposer à d'autres endroits, mais c'était annulé. Oh, ça va revenir. Oui. De toute façon, ton talent reste là, donc pas de problème. Des expos en France, j'imagine que oui, forcément. Bien sûr. Paris, ensuite beaucoup dans les Vosges. Ouais. Et puis après en Haute-Saône un petit peu. Par exemple, là, dans la rue à Luxeuil. Ouais. Et puis après, faut que je m'en souvienne. Mais je en plus, t'es bien situé au Val d'Ajol. T'es mi-Vosges, mi-Haute-Saône. C'est voilà, ça, à la frontière. Moi, c'est génial. C'est génial. Est-ce que tu exposeras quand ça sera possible bientôt ici ? J'aimerais bien. J'aurais dû exposer aussi au Val d'Ajol. Comme l'année dernière, j'avais fait une exposition solo au Val d'Ajol à la salle des fêtes. Ouais. Puis cette année, j'aurais pu la refaire, mais dû aux conditions sanitaires, encore une fois, en attente. Ah. La prochaine, ça aurait dû être aussi en mai, au Salon des Beaux-Arts, encore à Paris. Ouais. Mais ça, toujours en attente, ça a été reposé plusieurs fois. Oui. J'aurais dû aussi exposer à Thionville, Salon National des Beaux-Arts de Lorraine. Mm-hmm. toujours en attente. Bah ouais. Luxembourg en attente, dans le sud en attente, enfin voilà, toujours tout en attente. En attente, quoi. Du coup, les conditions actuelles, c'était ma prochaine question, ça tombe bien. Est-ce qu'elles influencent ton point de vue d'artiste, ta créativité ? Ah ben, moi je continue de toute façon à dessiner, je continue à faire mes dessins, puis quand je pourrai exposer, ben, j'aurai d'autant plus de dessins exposés. Donc voilà. C'est un plus et un moins. Et après, je peux pas être sur place, je peux pas faire des rencontres, mais on peut toujours demander en ligne à faire des petites visites virtuelles, des expos ouais. virtuelles, des trucs comme ça. Ouais. Justement, est-ce que un jour tu feras une démo ? Tu sais, tu dessines devant les gens. Je dessine quand je fais des expos, je dessine en live, donc les gens ils me voient un peu dessiner en live. Ouais. Mais sinon, avec une vidéo et tout, je sais pas. On verra. Ouais, ça doit être. Mais ça te perturbe pas quand on scrute un peu ce que tu fais ? Un petit peu, c'est quand même. Surtout, ne me faites pas bouger, les gars. C'est parce ça. Que c'est un point de travers, ça. On sent le petit souffle sur son épaule. pas trop près. Si on veut te suivre, ça se passe par où ? Eh bien, sur Facebook, Antoine Aizier, sur Instagram, Antoine Aizier. Après Instagram, je suis un peu moins actif. Facebook, je suis un peu plus actif. Et mon site internet, Antoine Aizier, où je mets aussi régulièrement un jour des tableaux. Super. Quels sont tes projets, tes grands projets, des choses que tu auras en tête ? Déjà sortir le livre. Mais oui. Et puis après, ben, je sais pas, on verra. Est-ce qu'il se fera en auto-édition, ce livre ? Tu sais pas ? Je sais pas non plus. Ah, j'ai rencontré 2-3 personnes pour l'instant, mais j'attends que ça mûrisse un petit peu. Il y aura un tome 2 ? Sûrement. Il y a tellement d'histoires que je pourrais pas le mettre dans un seul livre. C'est vrai ? Il va être énorme, quoi. Bah là, pour l'instant, ça fait déjà 70 pages. Ah oui. Donc la moitié illustrée, puis l'autre moitié écrite. Génial. Est-ce que comme pour le dessin, l'écriture, tu t'imposes un temps de temps par jour ? Non, ça c'est au feeling, l'écriture. Ouais. C'est vraiment quand j'ai envie, c'est complètement différent l'écriture. C'est vrai. C'est pas le même ressenti, du coup c'est pas le même exutoire, ça demande plus d'exercice de concentration. Un petit peu, oui, quand même, pour retrouver les mots et tout. Pour, ouais, tu t'exprimes plus par le dessin et du coup... Oui, complètement. Ouais, mais... Je crois que c'est beaucoup d'artistes qui sont comme ça. Oui, c'est vrai, c'est chacun un petit peu sa vision des choses. En plus, t'es très jeune, je pense que t'as encore plein de choses à découvrir, plein de talents. Ah, bien sûr, tous les jours on en découvre. Ouais. Bah oui, carrément. Et du coup, tu pourrais donner des cours à des enfants un jour ? Ah bah complètement, ouais. J'en ai déjà donné un petit peu quand je disais en animation et tout, ouais. Pour les motiver à faire ça. Et puis après j'ai eu des propositions aussi, une artiste qui m'a proposé de venir au Portugal pour donner des cours au Portugal chez elle. Enfin, génial. Donc, mais que d'opportunités. Ça c'était juste avant le Covid et puis je croisais les doigts pour qu'après la crise elle pense toujours à toi. Coucou, c'est moi. C'est ça. Ne m'oublie pas. Des collabs en cours, des gens avec qui travailler sur des projets différents. À part chez Narcisse, non, pas du tout. Et en général, je travaille tout seul. Oui, c'est vrai que après, c'est un univers particulier pour le partager. C'est parfois partager des rêves, ça devrait être compliqué, quoi. Bon, je les partage sur dessin, quoi. C'est vrai. Les autres qui les regardent. C'est vrai. Chez Narcisse, y allais souvent. C'est un habitué. J'y allais quelques fois, je suis allé voir les Ogues de Barba, quelques concerts comme ça. Voilà, c'est bien ça. Est-ce que ça va être facile pour toi de travailler sur ces illustrations ? Tu as déjà commencé ? J'ai déjà commencé chez Narcisse. La grosse illustration, justement, celle qui sera le plus détaillée, j'ai déjà toute l'idée en tête. J'ai fait le crayonné, un petit crayonné, puis j'ai commencé à l'encre. Ouais. Puis après l'autre, l'historique, j'ai pas encore commencé, mais ça sera facile. D'accord. Tranquille, les doigts dans le nez. En tout cas, merci chez Narcisse, parce que c'est grâce à eux que j'ai découvert ton nom, et c'est grâce à ton nom que j'ai découvert ton travail, et moi j'ai été subjuguée, vraiment, je te remercie infiniment d'être venue dans nos studios aujourd'hui pour merci nous parler toi, de ton art. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ? Eh ben, que la culture réouvre et que les gens puissent enfin ressortir pour découvrir les musées, pour découvrir des artistes, des expos. Tu vas des fois dans les expos à Miremont, il y a eu des expos sous les arcades, vers le musée Friri. J'ai vu quelques expositions, après je bouge souvent aussi partout en France, oui, donc je suis pas tout le temps non plus là. Ouais, mais là tu peux en profiter parce que du coup tu es restreint à 10 km. C'est le moment d'aller voir les expos près de chez soi. Exactement. Cette émission sera podcastée sur notre page et notre profil Facebook. Elle sera rediffusée jeudi à midi si vous avez envie de la réécouter ou si vous en avez manqué un petit bout. Et pour finir, eh bien, cette émission, je citerai la dernière phrase de ce sublime texte trouvé sur ton site, dont je rappelle le nom, Antoine Aizier, AIZIER, toutattaché.com. Un texte que tu as écrit et qui m'a vraiment marqué. Je pense que tu as un vrai don pour l'écriture, en plus du dessin. À vous de me le dire quand je sortirai le livre. Bah voilà, moi, déjà ces quelques lignes, ça m'a complètement conquise. Ces derniers mots, c'est « Il n'y a pas d'âge pour rêver ». Voilà, c'est le message du jour. Allez, kiss.